Le réveillon des enfants de l'an 106 de juste 2017 se déroule tous les jours au palais des enfants de Mangyongdae à Pyongyang. Y assistent des citadins de la capitale, jeunes et enfants, compatriotes coréens d'outre-mer et hôtes étrangers en séjour en Corée. Ce thème, 12 mois du pays du soleil, le spectacle montre l'aspect des enfants coréens qui jouissent du bonheur dans le giron du parti mère, en honorant comme le soleil éternel le président Kim Il-sung et le dirigeant Kim Jong-il, qui ont tant aimé les enfants et créé l'histoire de la primauté de la postérité et de l'amour de l'avenir.